بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الآن في المسألة الواحدة واربعين بعد المئة 141 مسألة في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي والد عن ولده. Dans le sens où Allah dit Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur et craignez un jour où le Père ne pourra rien apporter, ne pourra rien compenser pour son fils ou pour son enfant. Verset 33. قال هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولده وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح أبائهم حتى يكونوا في درجات الآباء مع أن عملهم أي الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجات إقرارا لعيون الآباء بوجود الأبناء معهم في منازلهم من الجنة وذلك نفع لهم ويقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقناهم بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Donc là ce verset dans son apparent laisse croire que يوم القيامة un père ne pourra rien apporter à son enfant. Et d'autres versets sont venus pour montrer que justement certains enfants seront élevés en degré par la cause de la réforme de leur père. Et cela que ses enfants seront élevés en degré jusqu'à ce qu'ils arrivent au même degré que leur père. Alors que leurs œuvres, c'est-à-dire ses enfants, à la base, ne leur permettraient pas d'arriver à ce stade-là. Mais cela a été fait pour que leur père se réjouisse de la présence de leur fils avec eux à leur niveau dans le Jannah. Donc cela est forcément un bénéfice pour eux, contrairement à ce que laisse entendre le verset. Et ce verset qui démontre justement que les pères peuvent apporter un bénéfice à leurs enfants, c'est la parole dans le sens où Allah dit que ceux qui y ont cru et dont leur descendance les aura suivis dans la foi, nous les ferons rejoindre leur descendance et nous ne réduirons en rien de leurs œuvres. Sourate At-Tur, verset 21. Donc là, le verset, il est clair. D'accord ? Que ceux qui ont cru, Allah Azzawajal fera en sorte que leur descendance les suivra dans le Jannah. Et cela, également, sans pour autant ne rien réduire de leurs œuvres. Quand les wawajul jam أشير إليه بالقيد الذي في هذه الآية وهو قوله تعالى تبعتهم ذريتهم بإيمان وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان فهي أخص من الآية الأخرى والأخص لا يعارض الأعم. Donc là justement comment jouer entre ces deux versets, c'est la condition qui est bien spécifiée et qui est bien définie dans le deuxième verset. Parce que Allah, dans ce sens, il dit que leurs descendance les auront suivis dans la foi. C'est-à-dire, cette dunya, leurs descendance étaient eux-mêmes des croyants comme eux. Donc, justement, le fait que Allah fasse rejoindre ses enfants le niveau de leur père, cela est dû à quoi? À cette condition que ses enfants eux-mêmes étaient des gens qui étaient sur l'iman, qui étaient sur la foi. Donc, ce verset-là est plus spécifique que le verset cité en début. Et comme on dit le plus spécifique, ne s'oppose pas au plus général comme on l'a pris dans la masala précédente, dans le coup précédent. وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله لا يجزي والد عن والده لا يقضي عنه حقا لزمه ولا يدفع عنه عذابا حقا عليه فالإشكال في الآية. Et quant à ceux qui eux auront interprété justement ce verset que le père ne pourra rien apporter pour son fils, c'est-à-dire que le père ne donnera pas un droit au fils qui ne le revient pas et ne le préservera pas d'un châtiment qu'il méritera d'avoir que Allah aura décidé de lui attribuer. Donc dans cette interprétation, il n'y a pas de problème entre les deux versets. قال وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في سورة النجم في الكلام على وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الآية إن شاء الله تعالى. Et il y aura un surplus justement d'informations par rapport à ce sujet-là dans Sourate An-Najm, l'étoile, dans sa parole, dans ce soir-là, il dit, et que certes l'homme n'aura que ce pourquoi il s'est efforcé, c'est-à-dire d'obtenir. إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. Et de là on a fini ce qui concerne Sourate Luqman. والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين.